Je sens que si ce groupe m'ennuie profondément dans un instant, je donne le numéro de téléphone qui commence par 06 50 97. C'est le mien. Les vaudous, Joséphine sont parmi nous. Alors c'est quoi, c'est vaudou ou c'est... Non, c'est plutôt Joséphine de Chris Rea ou Joséphine d'Alain Bachung? Plutôt Bachung. Et pourquoi Bachung? Parce que j'adore Bachung. C'est toi le leader? Donc tu décides pour les autres, c'est ça? C'est ça, ouais. Ouais, c'est lui le boss. J'ai réussi à les convaincre que... Alors, tu t'appelles Francky, c'est ça? Oui. Tu chantes et tu joues de la guitare acoustique, entre autres. Tu peux présenter tes petits partenaires, enfin tes grands partenaires. Ouais, c'est ça. Tes partenaires. À la batterie, il y a John, qui chante un peu aussi. Un petit peu. Ouais. Après, il y a Christophe. D'accord. À la basse. Ouais. Qui ne chante pas. Non, mais il a un œil rieur. C'est ça, ouais. Il aime bien observer. Là, c'est de la radio, mais il a un œil rieur. Et JB à la gratte, lead. Lui, c'est un Monty Python. Hein, c'est un humour un peu décalé. Carrément. Alors, ils sont quatre, ils sont strasbourgeois. Ça s'est fait comme ça, tous, vous êtes tous nés à Strasbourg ou c'est les études, le travail? Moi, je suis né à Strasbourg. Ça s'entend un petit peu. C'est ça. Christophe? Pas du tout, je suis né en Normandie et venu à Strasbourg il y a une quinzaine d'années, grosso modo. Cher ami John. Alors moi je suis une pièce rapportée, je suis arrivé à Strasbourg il y a une grosse dizaine d'années pour le travail initialement et puis je m'y plais, donc j'y reste. Tu m'étonnes. Et Jib? Jib, strasbourgeois aussi, ouais. Quartier centre-ville. Quartier centre-ville. Et pourquoi Vaudou? Vous présente. Vaudou Joséphine, qui a trouvé le nom? Je crois qu'on a trouvé ça avec John. Ça a été un compromis. Au tout début, ouais, un compromis, ouais. Parce que vous avez déjà fait des radios ensemble, mais que deux, Francky et John, c'est ça? Mais ça, on avait c'est... déjà la formation, mis à part Christophe, on était déjà... Mais vous veniez 2/4 trip. Ouais, ou 2/3 C'est ça. Ouais, ça arrivait. Ouais. Après, ceux qui s'expriment en général le plus, c'est moi et John. Mm-hmm. Et de temps en temps, ça arrive que Christophe parle un peu. Et Jib aussi. Et quand Antoine me fait comme ça, c'est qu'on va écouter le premier titre. Alors, qui l'annonce? Christophe. Vas-y, Christophe. Ok, le premier titre des Vaudou Joséphine, aujourd'hui, ce sera Tout Seul. Juste mourir avant. talent d'ici avec David Ménard. Voilà, Vaudou Joséphine, vous pouvez retrouver le clip d'ailleurs de cette chanson qui s'appelle Tout Seul. Sur YouTube, ouais. Ça raconte quoi le clip? Ça a à voir avec la chanson? C'est carrément un exercice. Ouais, je pense différent. Que c'est un rapport. La trame, elle est un peu. C'est un peu le délire d'un mec qui commence tout seul. Mmh. Et puis qui finalement, par la force des choses dans le clip, on se rend compte qu'il s'imagine des choses, qu'il retrouve ses amis. Et à la fin, bah, il finit tout seul. Et on a l'impression que c'est un peu comme un rêve. On a l'impression que vous riez vraiment quand vous vous retrouvez tous les quatre. Ouais, vous êtes vraiment bien dans les bras l'un de l'autre, Christophe. Exactement. Ouais, non, mais effectivement, quand on est ensemble, ça se passe plutôt bien. Et quand vous êtes séparés, vous appelez, il y a toujours un copain qui est... Ouais, toujours. Qui est là, dispo. Il y a toujours Francky qui vient prendre des nouvelles. C'est ça, ouais. Un petit texto. Je fais mon travail de leader. C'est pas un travail. Non. C'est pas un travail. Non, mais c'est une passion, heureusement. L'EP est sorti quand? Il y a plus d'un an, non? Ouais, je crois, plus d'un an. C'était 2017. En 2018. Ouais, 2017. Oui. Et il n'y a rien, il n'y a pas eu d'album depuis. Et entre temps, non, on y a réfléchi, on a changé certaines choses, on s'était dit que c'était pas forcément le bon moment. C'est faire un album pour faire un album, c'est pas toujours justifié. Mm-hmm. Et puis, voilà. Donc, parfois, il faut savoir prendre le temps de faire les choses qui nous ressemblent et quand on les sent. Donc, voilà, on n'a pas senti que c'était le bon moment et ça viendra. Après, on a sorti deux clips live l'année dernière. Oui. Ah. Aussi, on a travaillé sur deux clips live, etc. Du même concert. On a fait ça, en fait, chez H2O. Mmh. Donc, un studio de répétition, enregistrement à la Vente Sono, à Strasbourg. Alors live, et... ça ne veut pas dire qu'il y avait 400 personnes. Non, c'était vraiment... on a joué en direct, prise machin, filmé et montage après. Un peu voilà. Ce qu'on va faire, nous, tout à l'heure. Exactement. Sauf que nous, c'est de la radio. Mais il y aura des vidéos que vous pourrez partager, effectivement. Oh oui. L'émission est podcastée, hein, donc si vous avez d'accord. Des amis à l'autre bout de la France, je le dis à chaque fois, mais ça peut être aussi à l'autre bout du monde. Une question sur cette EP, il part dans quoi, dans quel délire musical? Parce que c'est principalement la musique de vos héros qui est dedans, ou les paroles sont... En fait, moi j'ai une grosse influence... Enfin, j'ai été vachement influencé par le cinéma. Ouais. Donc, je pense qu'on a commencé déjà avec cette idée-là. Et puis, le côté spirituel. D'accord. Donc, on a mélangé un des deux. Côté cinéma, comme quoi? Les frères Cohen. D'accord. C'est ce qui est venu dès le départ. Tarantino. Mm-hmm. Ce genre de réal. Oui, sauf que Tarantino, il pique de la musique qui existe déjà. Voilà. Nous, on essaye de la créer. Et par contre, les frères Cohen, bah, des fois, ils trouvent des titres. Dans Obreveur, par exemple. Mm-hmm. Bien sûr, carrément. Hein. C'est magnifique. C'est la musique quoi, de Bayou, c'est ça? Oui, c'est ça. Mm-hmm. C'est ça. C'est entre l'American et le Bayou. Puis j'adore ça. Quand Clooney fait l'imbécile, quand même. C'est génial. Il y a Turturro dedans. Les Soggy Bottom Boys. Voilà. Un film à voir, si vous ne l'avez pas, il est à 2 euros sur Amazon. Au moins. Ça te fait marrer, Christophe? Ouais, la pub pour Amazon. Bah non, mais t'as des actions ou quoi? Non, tu vas à la Fnac. Non, mais c'est vrai. Bah, ils en font un troisième chez Leclerc. Mais il n'y a pas une maison de... Ils en font un troisième, on dit Leclerc. Il n'y a pas une maison de que vous voulez mettre en avant? J'avais cru lire ça, que... qu'on pouvait trouver votre EP, non, c'est pas ça, non. Non, c'était pas toutes les boucheries qu'ils vendaient ont fermé. Non. Il n'y a plus rien là, c'est foutu. Hein. Moi, je propose qu'on écoute un deuxième extrait, toujours tiré. Il y a combien? 6 titres? 5? Oui, c'est ça, ouais. 6? 6 titres. Et ouais. Tout à l'heure, on écoutera 4 titres en live, c'est ça? 3. 3, d'accord. Quel est le titre de cette deuxième chanson? Antidouleur. Antidouleur. Boîte à gants, un numéro de super-héros excitant. Dans les valises, une cartouche de coude exquise. J'ai dans les poches un coucou à cran d'arrêt. Dans la tête, Hendrix et sa guitare cramée. J'ai dans les mains tout ce que j'ai pas le droit de toucher. Dans mes chaussures, la plage. J'ai baisé dans la bouche, le goût que tu avais dans la bouche, le goût que tu avais. J'ai dans le cœur de douze liqueurs. Un J'ai dans mon verre l'arôme du passé dans mes yeux. Des images un peu piquées dans ma maison. Une poupée un peu gonflée sous mon lit. Un croque-mitaine affamé dans mon holster. Mon flingue est chargé dans mon flingue. Des balles argentées, un cercueil. Et dedans, je suis assoiffé. Un cercueil. Et dedans, je suis assoiffé. Hey. J'ai dans le cœur de douces liqueurs. Un conteneur rempli d'antidouleurs. Fort. Notre Antoine avait disparu, on s'est dit il ne reviendra plus. Il a sauté par la fenêtre tel Birdman. Synchronisé. Ah, c'est magnifique. Birdman, il faut l'avoir vu, Birdman, ça n'a rien à voir. Chers amis. Alors, donc, il n'y a pas d'album sorti, il n'y a pas de date de concert. C'est en préparation. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, bon, vous êtes venu pour. On réfléchit. Bah, présentez-vous, allez-y. Pour causer avec toi. C'est vrai. Déjà, je suis connu à Strasbourg. Pour voir le personnage. Bah non. En tout cas, moi je connaissais pas avant, mais... Non, on va t'importer. Ouais, c'est ça. Il y a moyen de faire carrière. Hein. Oh, là. Est-ce qu'il est prévu un deuxième EP très bientôt ou pas? Parce que là, ça fait... Parce que vous venez, mais vous avez peut-être déjà composé d'autres titres. Oui, on a travaillé d'autres titres. Beaucoup mm-hmm. plus que deux, trois titres. Ouais, beaucoup plus. Après, on a un album qui est en préparation, mais on veut le bosser encore, parce qu'on a encore quelques doutes sur la sélection des titres. Mm-hmm. Parce que dernièrement, on a bossé un morceau avec le guitariste, donc on est en train de discuter pour voir si on va plutôt remplacer un autre morceau par celui-ci. Mm-hmm. Donc on verra. Est-ce que ça ne vous empêche pas de vous retrouver régulièrement pour des répètes? Bah, on le fait une fois par semaine. Hein. Donc c'est bien on pour maintenir le rythme. On bosse énormément, bien sûr. Bien sûr, on a toujours été en pleine créativité, même quand on a eu un temps de latence, on a toujours bossé. Hein. On a toujours des morceaux qui sont en préparation tout le temps. Oui. Ça s'est jamais arrêté en 5 ans. En fait, on produit, on compose énormément de morceaux mmh. et on en jette beaucoup. Donc, en fonction de l'évolution aussi de chacun, s'il était venu le moment d'enregistrer l'album, bah, t'arrives toujours à un moment où te dire ce morceau-là, bah non, il n'est plus à propos. Mmh. Donc, on va repousser encore pour que ça nous ressemble plus. Tu vois, on est en constante mmh. évolution. Et c'est ce qui fait que bah, d'un album que tu prévois, par exemple, pour fin 2019, bah, tu te dis, oh non, finalement, on va se laisser du temps. Et puis on va encore travailler pour produire, sortir quelque chose qui nous ressemble encore plus. Alors s'il n'est plus à propos, ça veut dire que vous écrivez en fonction de l'actualité ou pas? Pas spécialement. Bah, c'est plus l'état d'esprit. Hein. Mm. Parce que moi, je m'inspire pas trop de l'actualité. J'ai le côté spirituel, je préfère... Qu'est-ce que tu appelles le côté spirituel? Bah, tout ce qui est ésotérique, ces choses-là, l'introspection, beaucoup. C'est plus sur mon évolution à moi. En tout cas, je parle des textes, pas forcément de la musique, mais en tout cas des textes. C'est plus mon évolution à moi et ce qui m'entoure, mm-hmm. que l'actualité, je suis pas trop politisé comme mec ou c'est pas ça m'intéresse peu. Le côté vaudou en fait, il est ouais, c'est ça. Ouais. Ah, c'est vrai que c'est donc c'est aussi important que ça le vaudou. Ouais, beaucoup hein. Bah, c'est une culture, hmm. puis il y a une grande place pour ouais, Haïti, après la Nouvelle-Orléans, même l'Afrique, hein, mais après ça a une grande place, c'est une culture qui a une grande place dans le blues, hmm. donc c'est ce qui m'inspire beaucoup. Après, on parle pas que de ça, on a beaucoup de sujets, mais qui sont plus ésotériques ou subjectifs. Hmm. Moi, je propose qu'on écoute un troisième extrait. Avec on peut plaisir. Le faire. Le troisième extrait, c'est lequel? Moi, je dirais Hello. Hello. Et on parlera aussi d'antidouleur juste après, parce que ouais, c'est important de dire, parce que le nom est assez particulier. On en parle maintenant? Ah, bien sûr. Ok, bah vas-y. Pas de souci. Bah, c'est ce qu'on disait avant, quand le micro était coupé, en fait. Antidouleur, on a tendance à croire, en tout cas, qu'on parle de drogue ou de médicaments. Et en fait, cette chanson parle plus du remède qu'on cherche tous, en fait, pour aller bien. Parce que les gens ont une tendance à toujours se tourner vers la médecine ou vers les médicaments pour aller mieux. Et finalement, des fois, c'est pas forcément le bon remède, quoi. Et que les amis, la fête, la musique, ça peut être un très bon remède pour aller bien. Une femme. Boire. Les enfants. Boire aussi. Après. Avec modération. Exactement. De l'eau. Oui, il est celui-là. C'est ça. Quand il vous dit ça, Francky, vous réagissez comment? Vous êtes d'accord ou discutez? Ouais. De toute façon, alors c'est pas parce que Francky parle plus dans le micro que toutes les idées viennent de sa petite tête, mais on est d'une manière. Non. C'est, on rigole. La taille de mon chapeau, mec. Ouais. Il y a des rasoirs derrière, j'espère. Non. Il faut vraiment être conscient qu'on est une bande de frangins, en fait, et que tout ce qu'on sort, tout ce qu'on dit. Doit faire écho dans la tête de chacun. On est d'accord sur toutes ces choses-là. C'est ce qui nous rassemble. On fait de la musique ensemble, d'accord, mais avant toute chose, on a un groupe de potes. Et voilà. Donc, le côté non politisé, en fait, on en a parlé dès le départ. On n'a vraiment pas envie d'être politisé. C'est vrai que les idées viennent beaucoup de l'univers spirituel de Francky. Qui autour duquel on s'est fédéré, mais voilà, on y adhère, en fait, on y adhère, donc dire de plus. Troisième titre que l'on écoute, c'est Hello, qui fait partie, c'est le tout dernier de la bande, c'est ça, des titres qu'il y a sur le l'EP. Plus ésotérique, hein, je pense. C'est ce qui, je pense que c'est vraiment l'image du groupe. C'est l'hymne du groupe. Ouais, je pense. Woodrow Josephine, Hello. Je suis le roi. sabots. Léger comme un coup de faux. Magnifique, zéro. Je lève les yeux et ça se corse. Et ça se corse. Et ça se corse. Et ça se corse. La scène musicale bouge dans le Grand Est avec Talent d'ici. RCF Radio, la joie se partage. Ah, ah, il m'aide Jib, parce que j'étais pas installé. Hello. Alors, c'est la renaissance de Jim Morrison, c'est ça? C'est morceau, ah, y a là, ouais. Un peu d'inspi, ouais. Non, mais ça un peu d'inspi, tu te fous de ma gueule, là. Un petit peu, ouais. Hein, c'est en quoi fait... c'est piqué, la musique, à Jim Morrison? Bon, je pense pas que c'est complètement piqué, mais en tout cas, mettre les mêmes ambiances, ouais. Est-ce qu'il y a eu quelque chose avant cette EP? Non, rien. En tout cas... C'est-à-dire que les chansons de l'époque, le groupe existe depuis combien de temps? Ça fait 5 ans. Ouais. 5 ans. Donc 2017, cette EP qui s'appelle, c'est marqué tout en bas, c'est Initiation, c'est ça? C'est ça, ouais. Alors pourquoi Initiation? Dis-moi tout. Bah, je pense que c'était justement un rapport avec le côté spirituel et ésotérique et vaudou. Ouais. Et on a voulu faire découvrir aux gens, justement, par un EP, notre univers. Mm-hmm. Du coup, c'est ce qui se prêtait le mieux à ce délire-là, quoi. Une espèce de rituel de passage. C'est ça. Et... Est-ce que sur scène, vous expliquez un peu ça ou pas? Pas du tout. Vous laissez le danseur, le spectateur s'imaginer ce qu'il veut? Ah, écoute, sur scène, tout dépend aussi du public qu'on a en face. On suit pas un storyboard, ça dépend beaucoup de l'ambiance. Hein. Donc sur scène, tu peux nous voir calme, on pourrait dire calme, hein, même si on communique beaucoup avec les gens, on échange beaucoup aussi sur scène. Et puis tu peux voir surtout Francky dans des périodes où les chaises peuvent voler. On a déjà vu des choses magnifiques. C'est vous de Joséphine, ça s'écoute, mais ça se regarde aussi sur scène. Ah, mais c'est important. C'est vrai que nous reçoit beaucoup de groupes parce qu'ils jouent en live ici, mais qui prennent leur ampleur sur scène. Le CD est bien, mais le CD peut avoir une couleur qui est la même en tout, mais sur scène, c'est différent. C'est... Bah, j'espère que c'est le cas, en tout cas. Nous, c'est ce qu'on recherche. Hein. Vous cherchez à faire de la scène? Ah ouais, non, mais sur la scène, c'est de toute façon un autre kiff. Hein. Je pense que le CD, c'est le travail. Voilà, c'est pour avoir un support, pour poser tout ça dessus et garder une trace. Mais moi, en tout cas, ce que je recherche, c'est la scène. J'ai besoin de ça. Mais alors, ça se passe comment? Vous avez une jeune fille ou un garçon qui cherche les dates ou... Ah non, on se débrouille tout seul. Vous commencez à me regarder de travers. Ouais. Non, on se débrouille tout seul. Hein. On essaie de faire les choses nous-mêmes. C'est pour ça qu'on avance lentement, mais on avance à notre rythme. Eh bien, on va y aller à votre rythme, parce que c'est live maintenant. Allez vous installer, les garçons. Alors, guitare... Je sais pas grave, on fera ça après. Allez vous installer. Ça s'appelle Voodoo Joséphine et l'album s'appelle Initiation dans Talent d'ici. Talent d'ici avec les radios associatives de Lorraine. Tu te sens isolé dans une boîte. Tous tes miroirs sont brisés, écorchés dans ton pyjama rayé et ta tête qui la scène et ta tête en quarantaine. Tu veux te cacher comme une plume, c'est le jour de la fusée. Est-ce que tu assumes tous les mots que t'as balancés? Tu collectionnes les filles et leurs pièces détachées. T'en fais des tonnes. Dans ton pyjama rayé et ta tête. racines. Ouvre les yeux, il y a une fille qui te calcine. T'es pas si vieux, tu passes des nuits assassines. Encore une fois, dis-le-moi que rien ne compte, que tu t'en fous, tu n'as pas honte d'être à genoux. D'ici avec les radios associatives de Lorraine. Ouais. Talent d'ici avec Oudou, Joséphine, aujourd'hui ils sont quatre, ils viennent de Strasbourg, et je suis circonspect mais positivement, ça ne veut rien dire mais c'est pas grave. Il y a vos quatre visages pris vraiment en gros plan, c'est ça? Qu'est-ce que c'est censé représenter? Ah, je pense le côté tribal. Hein. Ah oui, c'est ça. Hein. On a vraiment. En tout cas, j'aime l'imagerie. Tribal. Donc c'est la pochette de l'EP qu'on a sous les yeux. Et derrière, c'est qui? C'est toi? C'est moi, oui. Donc tu assumes être le leader principal, les autres sont pas un peu... Je l'assume pas, mais c'est une discussion qui a déjà été faite plusieurs fois, où nous, on a aussi insisté sur le fait que Francky devait apparaître d'une manière ou d'une autre seul un moment pour qu'on puisse définir qui était le leader. Parce que si tu regardes la pochette, en fait, ouais, tu peux pas savoir qui est le leader. Parce que ça, ce côté tribu, on voit les quatre visages des quatre membres du groupe, mais qui est leader, qui est... On s'en fout. Il y a fait le chef du village. Chef du village. Tribu, village. La tribu, ouais. C'est le côté bienveillant. Le griot. Tu vois, le griot. Le griot. Chaman. Le chapeau, les lunettes, c'est pendant tout le concert ou Non, je pense que sur la fin, quand je commence à avoir chaud, je m'en débarrasse. En général, c'est 3-4 morceaux. Est-ce que tu penses que ce qui vous avez enregistré en 97, pourquoi je veux revenir aux années 90 en 2017 correspond à ce que tu voulais faire dans ta vie musicalement? Musicalement, j'en espérais pas autant, je crois. C'est vrai? Ouais, c'est qu'est-ce vrai. Qui a changé alors? En fait, j'ai longtemps fait de la musique tout seul. Mm-hmm. Puis après, j'ai rencontré John. D'accord. Et ça a changé beaucoup de choses, quoi. Donc je suis beaucoup plus exigeant aujourd'hui. Ouais. Et je me suis amélioré avec les années grâce aux frangins qui ont un peu plus de compétences techniques. Mm-hmm. Qu'est-ce que t'appelles les frangins? Mesicos. D'accord. Mm-hmm. Non, parce que tu peux avoir des frangins. Ah oui, non, j'ai pas de frangins, non. D'accord. Donc tes frangins, c'est des musiciens. C'est ça. Ça va, Christophe? Ouais. Merci, Christophe. Et quel est votre... Je pose la question maintenant régulièrement. Est-ce qu'il y a une date que vous avez faite je sais plus, monsieur le prof. Que vous avez fait. Ouais, quelle est la date que vous avez faite qui vous a complètement mis sur le cul, que vous avez joué divinement bien, le public a superbement réagi. Divinement bien. Ça, c'est vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a eu un moment, un concert qui a tout changé ou qui a qui fait partie de la légende des Voodoo Joséphine? Le Django. Ouais, je pense que c'est le Django. Ouais. C'est quoi le Django? Pour moi, c'est une salle de spectacle sur Strasbourg. D'accord. Le Django Reinhardt. Ah oui, quand même. Ça se situe au Neuf. Première partie de Radio Elvis. Oui. Donc ça, c'était Christophe n'était pas encore là. On était avec l'ancien bassiste encore. Mm-hmm. Mais c'était très belle date. joli lieu. Ça, c'était cool. Après, ouais, il y a des dates pour moi qui restent marquées, qui sont pas importantes parce qu'il y avait 10 pelés, mais qui ont changé beaucoup de choses en fait dans ma vision de la musique souvent, et c'est dans mon moments, interprétation. Voilà, important, parce qu'ils peuvent être 10, mais 10 complètement convaincus. Ouais. Non, c'était pas le cas. Si, c'était le cas. Ouais. Ah, voilà. C'était marquant, il y avait la première fête de la musique qu'on devait faire aussi. Ouais, et vous n'avez pas fait. Il y a eu une tempête juste. Ah, c'est la fameuse tempête avec les peupliers qui non. sont. Non, c'est plus ça, tard. Ça, c'était à Strasbourg aussi. Oui, oui, ouais. C'est autre chose. Il y avait eu des morts, je crois, déjà. Oui, mais c'était il y a plus longtemps. Mais c'est vrai qu'on rit souvent de ça parce qu'on parle de l'esprit vaudou qui nous regarde avec son œil goguenard et qui attend pour venir nous emmerder toujours au moment opportun. Et puis ce jour-là, c'est notre première. Je crois que c'est la première fête de la musique du groupe. C'était sur une belle scène, hein, c'était la scène principale de la ville d'Agneau. Et puis donc le groupe d'avant a joué, pas de problème, arrivé notre tour, on s'était échauffé, hein, on allait monter sur scène, mais une tempête, mon pote, qui est arrivée sur nous, mais le ciel est tombé, quoi. Et en fait, donc on a même aidé les techos à ranger le matériel, tellement la pluie battait sur le matériel, hein. Et puis mais une tempête, ça s'arrête aussi vite parfois. Eh ben exactement. Alors, attends, c'est pas fini. Et du coup, on avait un set de 45 minutes, juste, je sais pas, 10 minutes avant l'heure finale auquel on aurait dû s'arrêter. La pluie s'est arrêtée, le beau temps est revenu. Ils ont pu tout remettre en place. Le groupe d'après a pu jouer. Nous, on les a regardés passer. Voilà. C'était. Ouais, mais vous êtes payé quand même dans ces moments-là. Payé à la fête de la musique. Ah, c'est gratuit. On n'y va pas pour être payé, de toute façon. On y va pour faire plaisir au public et s'éclater entre frangins. T'es trop sérieux là. Bon, mais ça c'était des années auparavant. Tu étais payé pour la fête de musique, c'est fini ça, garçon. Moi j'étais payé pour animer la fête. Ouais, moi aussi, il y a 10 ans, oui. Ça se fait plus. Bon, c'est fini ça. C'est fini. Qu'est-ce qu'on peut écouter maintenant comme deuxième titre, toujours retiré de l'EP? Non, c'est pas dans l'EP. Ah, c'est pas dans l'EP. Ouais, on a choisi de jouer autre chose. L'un des clips qu'on a sorti. Christophe a parlé, on va le laisser parler. Non, je disais, on avait choisi de choisir justement des titres qui n'étaient pas sur l'EP. Je te redonne la parole. Non, tu vas jusqu'au bout. Oui, t'as une belle voix. Ah, mais c'était. Voilà, c'était ce que je voulais dire. Bah, Jib, tu peux rajouter? Le morceau s'appelle Les Brumes. Les Brumes. Voilà. Un joli morceau, un peu radiophonique. Calé pour la bande FM. Alors calé niveau timing, je sais pas. Non mais quand tu dis radiophonique, ça veut dire radiophonique, quoi? Alors un petit peu plus pop que les autres, je dirais. Bah écoutons, ça s'appelle Les Brumes. Les Brumes avec Boudou Joséphine. En live, dans Talent d'ici. Agonise mère, tu veux entendre les sentiments. Vous écoutez Talent d'ici, Woodou Joséphine avec Les Brumes. La scène musicale bouge dans le Grand Est, avec Talent d'ici. C'est qui le minable qui dit Woodou? C'est l'animateur Vaudou. C'est ça, Vaudou. À la française. On peut pas me remettre dans le droit chemin, là? Ah, toi qui es cassant et sérieux. Moi, pas du tout. Moi, tu sais, j'accepte les gens comme ils sont. J'ai pas à remettre les gens tout le temps, c'est pas mon rôle, tu vois. C'est marrant, il a pas la voix de ce qu'il dit. Tu voudrais que je dise comment? Avec amour, avec compassion. Oh yeah baby. Yeah. Des brumes, ça parlait de quoi? J'ai souvent des images qui viennent en fait, et ça parle d'une seule image. Ah, laquelle? L'explication. Quand j'étais plus jeune en fait, je suis parti travailler en Guyane. Mm-hmm. Et là-bas, il y avait ce qu'on appelait les brumes, donc avec l'humidité qu'il y a en Amazonie. Ah oui, oui, oui, effectivement, j'en ai entendu parler. Et en fait, j'étais toujours fasciné par cette image-là où on ne voit pas grand-chose, mais on s'imagine beaucoup. Et avec le son et les bruits qu'il y a là-bas, particuliers, cette chanson vient de là, quoi. Ça ne jouait pas aussi sur l'humidité, sur les meubles, sur les trucs comme ça, ça dit? Ah bah si, beaucoup, hein. Effectivement. Bon, ça va, je squattais à droite à gauche, hein. J'étais pas ennuyé par ce genre de choses. Alors les brumes, on le retrouve des brumes. Non, non, mais... Les brumes, ouais, on le retrouve en fait en clip sur YouTube. D'accord. On a tourné avec une amie, mmh. Selma. Selma Doyen. Doyen. Et le morceau qu'on va jouer après, Lucie. Et on a tourné aussi un clip sur ce morceau-là. D'accord. Avec c'est le morceau live, personne. C'est ça? Ouais, c'est ça, ouais, les prises live, ouais. Qu'on a fait chez H2O. Mais alors, H2O et l'album donc, est autoproduit, il est fait où, la pochette L'EP, il est autoproduit. Mm-hmm. Et la pochette, ça c'est John qui sait. Alors la pochette, alors toujours pour suivre la philosophie du groupe, c'est quand on bosse avec des gens qu'on apprécie, dont on apprécie le travail, et donc on apprécie le côté humain. Et pour le coup, sur la pochette, c'est mon beau-frère qui a pris les photos et qui a monté la pochette de l'album. Donc voilà, c'était une affaire de famille. Et pour l'enregistrement, c'était Jonathan Allard du Kid Studio. Et en fait, c'était quelqu'un avec qui on avait déjà eu l'occasion de travailler. Et c'est quelqu'un qui a dû changer de studio entre temps, qui a remonté un studio du côté de Saverne et qui fait du super boulot. Et vous, vous avez pris avant Saverne? Oui. D'accord. Quand il était encore à Ittenheim. À Wittenheim. À Ittenheim. Ittenheim. Ittenheim, voilà. Pour ceux qui connaissent l'Alsace. Vous aimeriez partir loin pour faire des concerts? Ah, c'est bien sûr. C'est pas encore, c'est prévu, mais on n'a pas encore chopé de date, mais bien sûr. À bon entendeur. Le plus loin possible. Effectivement. Même là, quand on a écouté le titre précédent, ça part dans des envolées. C'est souvent comme ça dans les titres que vous avez. Ouais, à la fin, ça peut durer 2-3 minutes. Enfin, pas 3 minutes, mais au moins une minute et demie. Ça dure un peu. J'y me sens, t'as pas parlé, parle un petit peu. Mais réponds à ma question. C'est tout à fait vrai. Ah non, vas-y, un peu. J'ai pas beaucoup parlé. J'aime ta voix. Développe. Non, pour nous, dans la musique, le côté voodoo, c'est aussi ça, c'est aussi ces envolées-là où on peut avoir une introspection aussi en écoutant la musique, quoi. Donc c'est vachement intéressant. Donc on peut triper en fait justement sur ces envolées. C'était vachement important pour nous de faire ça, quoi. De faire ressentir ça sur scène. Ouais. Peut-on s'écouter un dernier extrait? Ça s'appelle Lucie. Comme la chanson de. Non, Lucie, c'est pas grave. Ça n'a rien à voir. On s'arrête à Lucie de... Je ne dirai pas son nom. Obispo. Non, il y a Obispo et il y a Balavoine aussi. Ah, aussi, ouais. Putain, c'est ouais, quand même ça. Mieux Balavoine que Obispo, mais c'est pas grave. Oh, ça après. Les goûts, les couleurs. Très bien. Allez jouer, les garçons. Talents d'ici, avec les radios associatives de Lorraine. Tattoo. se met à couler. 3, 2, 1. Lucie. Talent d'ici, avec David Ménard. C'était Lucie avec Vaudou, Joséphine, et qui veulent lancer un appel. Alors John, tu ne parleras pas, ça va être Christophe qui va lancer un appel tout de suite au peuple de France. Je lance un appel au peuple de France, si vous avez aimé Vaudou, Joséphine, que vous voulez entendre Vaudou, Joséphine en live, que vous voulez voir nos quatre tronches, oui. Et surtout celle de Francky. Oui. Alors dans ce cas-là, je sais pas si on est en attente de date. Effectivement. Je ne sais pas s'ils la verront avec les lunettes et le chapeau. Faut aller creuser. Découvrir notre univers en fait. Ouais, mais justement, c'est ce que j'étais en train de penser, c'est que c'est un univers qui a une identité. Ah. Et non, c'est important de le préciser. Et en français en plus. Oui. Alors, c'est un peu du blues, c'est un peu du rock, c'est un peu de la pop, et ça nous rappelle certains grands moments de la musique. Ça fait du bien par où ça passe. Très belle identité c'est en gentil. Tout cas. Merci, alors, merci. Hein, c'est gentil. Moi, ce que je voulais dire aussi, tout simplement, c'est que l'émission est podcastée. Est-ce que j'aurais voulu, est-ce qu'on a le temps? Qui prenne sa guitare et qui me fasse 2-3 accords de Osée Joséphine. Francky, tu essayes ? Tout seul ? Oui, tout seul. Ah, tout seul. Juste l'intro et la première phrase. À l'arrière des berlines, on devine. Des chiens largués et des figurines. Non, c'est pas des chiens. Des monarques. Des monarques, monarques et leurs figurines. J'aime pas comme ils me regardent, John. Hein. J'aime pas, je t'aime pas, John. Non, je t'analyse et tout. Et tu sais, je suis très myope. Oui, donc mais. Je fronce les yeux comme ça, je te regarde. J'essaye de voir au fond de ton âme. Ah, attends. Oui, mais mon âme, elle écoute Bachung. Hein ? C'est bon ? À l'arrière de Berlin, on devine des monarques et leurs figurines. Juste une paire de demi-dieux. L'arrière des dauphines, je suis le roi des scélérats, à qui sourit la vie. Marcher sur l'eau, éviter les péages, jamais souffrir, juste faire hennir les chevaux du plaisir. Osez, osez, Joséphine. Bravo, merci Francky. C'est le patron. C'est le boss. Le boss de Vaudou, Joséphine. L'EP est forcément à la fin des concerts, mais on n'a pas de concert pour l'instant. Donc l'EP, on peut le trouver sur la page Facebook. Effectivement, il y a une page Facebook qui s'appelle Vaudou, Joséphine. Exactement. Il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un seul, ouais. Il n'y en a qu'un seul. V-A-U-D-O-U. Effectivement, parce que ça s'écrit autrement, sinon ? Bah, souvent, les gens ont tendance à l'écrire à l'anglaise. Avec un E ? V-2-O-D-2-O. C'est ça. D'accord. Et il y a un site également, ou oui, pas ? Oui, aussi, ouais. Très bien. www.josé-joséphine.... Non, Mais non, oh là là là, et c'est lui qui l'a fait, en plus. Mais non, mais à la base, il est développeur de programme. Ouais, ouais. Voilà. www.vaudoujoséphine.com Et vous pouvez aussi nous trouver sur SoundCloud. Enfin, vous tapez Vaudou Joséphine sur Google, vous allez voir, vous nous trouverez partout. Et puis, il vous offre Vaudou Joséphine le DVD de Hobrover si vous achetez l'EP. Non, si on est programmé. Premier, on le fait. Pendant trois mois. Vous serez programmé, à mon avis, ça va passer avec Antoine. Et parfois, on passe des titres live, enregistrés dans notre studio, dans le programme musical de la radio. Merci. Non, c'est pas vrai ? Ah non, c'est pas vrai. D'accord. Merci, Antoine. À bientôt, Antoine. Merci, Antoine. Merci, bravo, Antoine, et merci, RCF. Merci, Antoine. Merci beaucoup. Tu peux applaudir, John, aussi. Pardon. J'ai mal aux mains. Allez, casse-toi. Quel accueil chaleureux. C'était Talent d'ici, Vaudou Joséphine. Eh bien, à bientôt, la semaine prochaine. Ciao. Ciao, merci.